Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Les blocages financiers que vous vivez dans votre foyer viennent du fait que vous êtes divisé. Et c'est le diable qui vous divise parce que la Bible nous dit qu'une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Humiliez-vous et recherchez l'unité. Et vous verrez qu'ensemble, quand vous allez vous humilier dans la prière, le Seigneur va débloquer toutes les situations que vous connaissez. Réveillez-vous, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à l'émission de prière OSB. Opération sur la brèche. Le passage du jour, c'est Juges 2, 1 à 9. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire Juges 2, 1 à 9. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ces lieux le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Amen. Nous allons partager quatre grandes vérités tirées de ces passages. Le premier élément que nous voulons partager, c'est sur le vérité sur la personne de notre Dieu. Il est le Dieu qui délivre de l'esclavage. Ensuite, il conduit dans notre Canaan. Et enfin, il ne rompt jamais son alliance avec son peuple. Commençons par le premier élément. Le premier élément que nous voulons partager, notre Dieu est premièrement un Dieu qui nous délivre de l'esclavage. Avant de connaître Jésus, nous étions dans notre Égypte spirituelle. Et Dieu n'a cessé de rappeler à son peuple que c'est moi l'Éternel qui te fait sortir du pays d'Égypte. L'Égypte pour toi, c'est le milieu où tu étais. Tu étais un esclave des sorciers, tu étais un esclave des féticheurs, tu étais un esclave de la débauche, tu étais un esclave de l'ivrognerie. Mais le Seigneur t'a tiré de là. Chaque fois que tu te rappelles de là où le Seigneur t'a tiré, tu dois être reconnaissant, tu dois t'attacher à ce Dieu-là. Vous voyez? Deuxièmement, Dieu rappelle qu'il est le Dieu qui nous conduit vers notre terre promise, notre Canaan. Il rappelle à Israël non seulement qu'il a fait sortir d'Égypte où il était esclave, mais c'est lui qui l'a fait entrer dans le pays promis, Canaan. Il dit au verset 1, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. » Il est un Dieu qui est fidèle. Quand il te fait la promesse, il va l'accomplir. Je vais parler à quelqu'un. Le Seigneur t'a donné une promesse. Il va te faire entrer dans ton Canaan de guérison, ton Canaan de mariage, ton Canaan de nomination, ton Canaan du terrain, de la maison que tu attends. Sache que ce Dieu est fidèle, ne baisse pas les bras. Il va te faire entrer, quel que soit le nombre d'années qui passent. Troisième vérité sur Dieu, il ne rompt jamais son alliance avec son peuple. Vous voyez, il dit, j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Il est fidèle, jamais. Quand Dieu dit jamais, c'est jamais. Lorsque tu appartiens à Dieu, lorsque tu as rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie de ce peuple de l'Alliance. Et Dieu dit, jamais il ne va rompre son alliance avec toi. Est-ce que tu comprends? N'aie pas peur de ta relation avec Dieu. C'est une relation qui est assurée. Dieu ne rompt jamais son alliance avec nous. Le problème se trouve de notre côté. C'est nous parfois qui cherchons à rompre cette alliance. Mais Dieu est fidèle. Il est le Dieu de l'alliance. Deuxième grande vérité. Faisons attention aux mises à garde divines. Dieu nous met en garde concernant les alliances avec le peuple étranger. Ici, le peuple étranger doit être compris comme étant le peuple qui ne connaît pas Dieu. Je veux parler à une sœur. Écoute-moi bien. Pourquoi es-tu toujours collé aux amis du monde? Toutes les amis qui t'entourent, ce sont des gens qui sont des courriers et des jupons. Ce sont des filles qui arrachent les maris d'autrui. Ce sont ceux-là que tu as trouvé comme amis. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez, ici, Dieu lance une mise en garde sévère. Écoutez deux instructions que Dieu a données concernant les alliances avec les peuples étrangers. Premièrement, il dit, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Verset 2. Il était interdit à Israël de traiter alliance avec les habitants de Canaan. C'était des peuples qui adoraient d'autres divinités. C'est comme aujourd'hui en Afrique. Ce sont des gens qui offrent des libations. Tu ne dois pas faire alliance avec eux. Les gens qui offrent des sacrifices aux ancêtres, c'est interdit. La Bible dit, on ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu ne dois pas traiter l'alliance avec les gens qui évoquent des esprits. Des gens qui ne confessent pas Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui font des pratiques mystiques. Tu ne dois pas faire alliance en épousant une femme qui ne connaît pas Jésus, un homme qui ne connaît pas Jésus. Je parle à toi. Tu es séduite par l'argent de ce monsieur-là, par ses voitures. Mais Dieu te dit, tu ne dois pas traiter alliance. Tu n'accepteras pas le mariage. Un tel mariage risque de t'éloigner de Christ, risque de te conduire dans la mort. Est-ce que tu comprends? C'est tout ça les alliances que Dieu interdit. Il dit, vous ne traiterez pas alliance. Deuxième instruction concernant les alliances. Il dit, vous renverserez leurs autels. Vous voyez, ici Dieu dit, nous devons être offensifs parfois. Renverser les autels, c'est notre devoir. Cela veut dire que quand tu te trouves quelque part où il y a des gens qui font des autels de sorcellerie, des étoiles, des autels d'incantation satanique, il faut renverser ces autels. Je vais parler à un jeune, écoute-moi bien, dans ta famille, oh, le Seigneur t'a révélé qu'il y a des gens qui font des pratiques de mysticisme, des pratiques de sorcellerie. Tu as vu dans votre maison qu'il y a quelqu'un qui a envoyé les canaries, mon ami. Tout ça, ce sont des autels. Dieu te dit, il faut les renverser, il faut les briser au nom de Jésus. Il ne faut pas dire, bon, moi j'ai peur. Non, n'aie pas peur. Le Seigneur te dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. On renverse les autels d'abord spirituellement. C'est par la prière. Dans la maison où tu restes, dans la chambre où tu restes, lorsque tu vois des choses bizarres, des sensations bizarres, ça peut être possible qu'il y ait des autels spirituels. Il faut les renverser par des prières d'autorité. Prends même un moment de jeûne et de prière. Peut-être que dans votre famille, dans votre maison, il y a un autel des esprits de mort. Toi qui fais des songes, tu fais des songes qu'il y a les vieux, la vieille qui est morte. Tu la vois souvent en songe. Ce n'est pas normal. C'est comme s'il y a un autel dans ta maison. Il faut renverser les autels de mort au nom de Jésus-Christ. Troisième grande vérité, c'est la conséquence de la désobéissance à Dieu. Mon ami, chaque fois que tu désobéis aux instructions divines, il y a des conséquences qui s'en suivent. Dieu a dit à Israël, ne fais pas alliance avec ce peuple. Il faut renverser ces autels. Mais il n'a pas obéi. Écoute la conséquence. Le verset 3, Dieu dit, j'ai dit, alors je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Vous voyez, Lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, il y a des choses que nous devons subir comme conséquences. On dit, ils vous seront comme piège. Est-ce que tu comprends? Fais attention. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pourquoi vous allez voir que les enfants d'Israël, quand ils sont entrés dans les pays de Canaan, Dieu n'a pas chassé tous leurs ennemis parce que ça a commencé par eux-mêmes. Ils ont cherché à traiter alliance. Dieu a dit, bon, comme toi-même tu veux ça, je vais te laisser dedans. Est-ce que tu comprends? Je ne les chasserai point. Quatrième vérité. Chacun de nous est responsable de prendre possession de son héritage. Il est vrai que c'est Dieu qui a promis à Israël d'entrer dans la terre promise, mais Israël ne devrait pas être passif. Chacun devrait se battre. Je vais parler à quelqu'un. Tu dois apprendre à te battre dans la prière. Il ne faut pas dire, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Non, il faut savoir prendre possession de ton héritage. Si toi-même tu es passif, tu vas rester dedans dans ta situation pendant des années et des années. Est-ce que tu comprends? Il est dit au verset 6, « Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. » Dieu, Josué a envoyé chacun dans son héritage pour prendre possession de son pays. Donc, ce n'était pas la tête de Josué. Il fallait que chacun se lève pour dire, « Ça, c'est mon héritage. Il faut entrer en possession de ton héritage. » Je vais parler à une jeune dame. « Regarde, tu as plus de 40 ans. » Mais tu es toujours distrait. Le diable a signé un décret pour que tu ne puisses pas te marier. Mais le Seigneur a dit sur la croix de Golgotha, tout est déjà accompli. Il faut dire, c'est assez maintenant. Il faut que tu te lèves. Dieu veut que tu sois une femme de prière. Tu es trop distraite en train de regarder Facebook, en train de regarder la télé. Ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir du temps de prière. C'est le moment où tu dois apprendre à te retirer dans la présence de Dieu pour prendre possession de ton mariage. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que les cieux rêvaient, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond, de lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore, oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond, de lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore, je l'aime, je l'aime, je l'adore, ouh, ouh, ouh, ouh. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'efforce, El Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. Car j'ai volé prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cri de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Oh, l'ombre de ta main sur mon chemin, viens rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie. Et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Ouh, oh, ouh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errants, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie. Et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Ouh, oh, ouh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore, ouh, oh, ouh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Gloire au Seigneur, élève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Sois béni, éternel notre Dieu, toi la source intarissable. Tu es notre délivrance, notre salut, c'est toi. Oh, sois béni, Seigneur, toi qui nous délivres de l'esclavage. Nous te bénissons, ô éternel notre Dieu, toi notre Père, toi le Père d'amour qui a traité une alliance éternelle avec nous. Tu nous aimes d'un amour éternel. Nous te bénissons pour cela. Merci Jésus, toi qui nous sauves et qui nous délivres jour après jour. Sois béni, ô Père, toi qui ne veux pas que nous puissions traiter alliance avec ceux qui ne te glorifient pas. Tu veux plutôt que nous puissions renverser tous les autels de l'ennemi qui sont autour de nous, les autels de l'ennemi qui sont partout où nous sommes. Oui, c'est pourquoi nous nous levons maintenant et nous renversons tout ce qui est de l'ennemi. Tout autel dressé en l'honneur de l'ennemi, nous les renversons au nom de Jésus. Nous abattons tous les autels du ténèbre, nous les détruisons au nom de Jésus. Oui, nous voulons maintenant sanctifier nos vies, sanctifier nos maisons, sanctifier partout où nous sommes. Au nom de Jésus, et nous voulons posséder notre héritage au nom de Jésus. Que toutes les puissances de l'ennemi qui s'opposent à nous pour nous empêcher de posséder notre héritage soit brisée au nom de Jésus. Que toute opposition de l'ennemi soit anéantie au nom de Jésus. Et nous possédons maintenant notre héritage. Nous entrons maintenant en possession de tous nos biens au nom de Jésus. Oh, sois béni, Seigneur. Toi, le Dieu qui nous bénit spirituellement, matériellement, financièrement, socialement, tu nous bénis à cause de ton nom. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre passage du jour dans le cadre de l'émission de prière OSB se juge chapitre 2, 1 à 9. Nous venons de voir plusieurs vérités concernant Dieu. Il est le Dieu qui nous délivre de l'esclavage. Il est le Dieu qui nous conduit dans notre Canaan. Mais il est Dieu. Il est le Dieu qui ne rompt jamais son alliance avec nous. Nous allons prier pour tous ceux qui sont encore dans l'esclavage, dans leur Égypte spirituelle. Ils sont bloqués. Que la main de Dieu les délivre. Et si toi qui me suis, tu vois que tu es encore dans ton Égypte, renonce à cette vie. Donne-toi à Jésus-Christ. S'il y a des parents, des amis qui sont encore dans cette vie, prie pour que le Seigneur se révèle, qu'ils soient délivrés de leur esclavage et pour que le Seigneur les fasse entrer dans leur Canaan, les pays promis. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Très excellent Père, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Je chanterai tes bontés tous les jours. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, ô Père, ta bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec ton Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin je suis dans la joie. Je prie au Père éternel avec instance et je me tourne vers toi. Plaider en faveur de tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent pas. Tous ceux qui sont encore dans leur Égypte spirituelle. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que les liens qui les maintiennent dans l'ignorance sont brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout aveuglement spirituel est ôté de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Je prie pour mes cousins, mes cousines, mes parents qui ne te connaissent pas. Je demande au Dieu, interviens dans leur vie. Interviens dans leur vie et transforme leur destinée. Révèle-toi à eux, ô Père éternel. Je prie dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que tout aveuglement spirituel est ôté et que les écailles tombent de leurs yeux. Merci, Père éternel, pour mon frère dans la vie de laquelle tu interviens en ce moment. Merci pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui ne te connaissent pas parce qu'ils reçoivent leur délivrance à la gloire de ton nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu interdit des alliances avec le peuple étranger. Mais il nous demande de renverser, de briser les autels. Tu vas demander pardon. Si tu as fait, tu as contracté des alliances qui n'honorent pas le Seigneur, demande pardon. Tu vas prier pour renverser tout autel satanique dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus. Parce que Dieu dit, vous renverserez leurs autels. Renverse les autels de sorcellerie. Renverse les autels des esprits des morts. Renverse les autels de Mamiwat, la sirène des eaux, au nom de Jésus. Les autels de blocage, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Seigneur, ce matin encore, nous bénissons ton nom, nous te glorifions et nous te magnifions. Merci parce que Jérémie était dans une famille idolâtre. Jérémie était dans une famille qui adorait des statues, qui adorait des choses bizarres, qui était sous l'influence d'un père et d'une alliée qui était soumis au démon. Et tu lui as dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 au verset 10, « Regarde Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Ce matin, je voudrais m'associer à mon frère et à ma sœur comme Jérémie, pour annuler, pour abattre tous les autels de nos familles au nom de Jésus-Christ. Je voudrais détruire toutes les puissances de la sorcellerie qui influençaient nos vies, qui nous empêchaient de nous marier, qui nous empêchaient d'avancer, d'avoir du succès, qui nous empêchaient d'enfanter. Ces autels de nos familles, ces esprits diaboliques et sorciers, nous les abattons, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Toute influence qui nous condamnait est brisée dans le sang de Jésus-Christ, et nous marchons par la grâce du Seigneur avec le nom de Jésus-Christ dans notre lieu élevé, dans notre marche de destination, afin que nous puissions nous marier, afin que nous puissions enfanter, voyager, nous puissions être bénis à tous égards, être élevés. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que chacun de nous est responsable de prendre possession de son territoire, de son Canaan. Tu vas prier. Je ne sais pas quel est ton Canaan. Peut-être que c'est la promotion. Peut-être que c'est le ministère. Dieu t'a appelé au ministère, mais il y a une résistance. Depuis là, tu tombes malade parce que l'ennemi veut t'empêcher d'entrer dans ton Canaan. Peut-être que ton Canaan, c'est la promotion, le mariage, l'enfantement. Tu vas te lever pour dire, dans le nom de Jésus-Christ, je vais entrer en possession de mon Canaan et que tout esprit qui me bloque, qui cherche à m'empêcher d'entrer en possession, je le chasse maintenant au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi Jésus, le ressuscité, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Merci parce que tu vis en nous. Et la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Jean 4, 4. Que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce matin, je prie par la foi que celui qui règne, qui existe, nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité, il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole pour que tout esprit qui nous empêchait d'avancer soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Tout esprit qui nous influençait, pesait sur notre destinée, cet esprit brisé au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tout esprit qui empêche quelqu'un d'entrer dans son mariage, qui empêche quelqu'un d'entrer dans son enfantement, est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je proclame que quelqu'un entre dans son Canaan. Tout esprit donc de maladie qui influençait négativement quelqu'un, cet esprit est annulé, est brisé par le sang de Jésus-Christ. Et cette personne entre dans son Canaan. Dans son Canaan, c'est la santé divine. Dans son Canaan, c'est la joie divine. Dans son Canaan, c'est la bénédiction céleste. C'est la bénédiction qui ne peut suivre d'aucun chagrin dans son canard. C'est la grâce divine, c'est la faveur divine, la joie de Dieu, c'est les faveurs du ciel. Père, merci parce qu'en ton nom, oui, nous nous détachons de toutes les influences de nos parents, de toute influence de la sorcellerie, de toute influence qui nous empêchait d'entrer dans notre canard. Et je proclame que quelqu'un est libéré, quelqu'un est délivré, quelqu'un est guéri, quelqu'un est sauvé, quelqu'un avance par la grâce de Dieu. Et toutes les bénédictions que l'Éternel a prononcées sur nos vies trouvent leur accomplissement en nous et nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous aurons ce dimanche 22 mai la réunion de prière et d'enseignement bonheur conjugal pour les célibataires. Thème, la persévérance qui conduit à la victoire. L'entrée est libre pour tous ceux qui aspirent au mariage. Nous aurons deux services. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Au se peut, dans la même cour que la radio Fréquence Vie à Cocody, Cité des Arts. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.